Rangé dans le froc, ton cam et les keufs font les fuck. Captain va finir au top. Je me suis trompé sur ton compte, pas sur les comptes. Un verre de trop, je finis sur ses côtes. J'ai confiance, comme on flamme mon fric et Matisse. Non, j'oublie pas tout ce qui s'est passé. Dans le foco des lots qui empilaient. Les faux frères finissent toujours par montrer leur vrai visage. Tellement de choses, t'as pas idée. Je crie libéré, j'aime fini la belle vie. Et si tout ça n'était qu'un rêve, j'allume mon wage avec de la lave. Une grosse somme me console quand tu n'es pas là. J'ai plus aucune limite, j'ai plus le temps, je suis dans le crime, crime, crime, crime. Fonce car dans l'auto, la nuit est si longue. Rien ne sera plus comme avant. Je suis dans le crime, crime, crime, crime. J'ai plus aucune limite. Remercie Dieu, mon sac s'est enrayé. Tu me croyais dans le trou PD, pourtant je faisais que de brasser. Enlève tes fringues, si t'assistes ici, t'en se transforme en lové. J'ai allers-retours au bendo, je crois que ta chérie notre jouet. J'suis dans le crime. J'l'ai fourré sans qu'elle soit abonnée. J'suis dans le crime. Remercie Dieu, mon frère, c'est enrayé. J'suis dans le crime. En sachet, c'est l'offre, tu me connais. J'suis dans le crime. Remercie Dieu, mon frère, c'est enrayé. J'suis dans le crime. Fume-vous, j'cris dans ton bloc pour une histoire de terrain. Bozo passe du feu, mon E c'est éteint. En temps de guerre, dis-moi où t'étais. J'bloque le compteur pour ton cul, pas pour ton cœur. On fume de la verse à ton petit cœur. Envoie les euros, convoi de B2, j'recompte avec Bendé. Maman t'inquiète pas, ton fils on va bien. Hochez tout, j'oublie tout, j'ai plus de peine. Entre ton corps, les mensonges, les litrons. Je laisse mes démons faire le tri. Me voir ici, qui l'aurait cru. Mon gobelet se renverse, j'ai trop bu. Excité comme Pico sur un plan. Grosier but pour le douanier, on n'en parle plus. Les faux frères finissent toujours par montrer leur vrai visage. Suis tu perds autour de moi, je n'aperçois plus le rivage. J'ai plus aucune limite, remercie Dieu, mon sein s'est enrayé. Tu me croyais dans le trou PD, pourtant je faisais que de brasser. Enlève tes fringues, si t'assistes ici, le temps se transforme en lové. J'ai allers-retours au bendo, je crois que ta chérie notre jouet. J'suis dans le crime. J'l'ai fourré sans qu'elle soit abonnée. J'suis dans le crime. Remercie Dieu, mon plan s'est enrayé. J'suis dans le crime. En sachet, c'est l'offre, tu me loues. J'suis dans le crime. Remercie Dieu, mon plan s'est enrayé. J'suis dans le crime. J'suis dans le crime. J'suis dans le crime. J'suis dans le crime.